jamais, jamais ce que l'on retrouve. Depuis je passe mes journées sur Insta, vous deux ça a l'air staff, quoi même vous mettre un like. Et quand je vous imagine, j'ai la haine. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi en face que tu l'aimes. Je suis sûre que ce n'est qu'un pansement profond, tu ne le penses pas, t'as fait tout ça par fierté. Mais je me mens à moi-même, je vois bien que t'es heureux et que t'as tout trouvé chez elle. De l'amour, de la passion, tout ce que je ne te donnais pas, de la douceur, de l'attention. On récolte ce que l'on sème, elle t'a fait m'oublier, c'était pas compliqué pour elle. Aujourd'hui j'ai du mal à admettre que je te fais. Je te suis, je te suis, je te suis, je te suis.